بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله qui nous a comblé de cette miséricorde du confinement chez soi, si on s'y conforme comme il se doit et comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, et comme nous l'a enseigné notre messager alayhi salatu salam, et qu'on s'y conforme avec patience et endurance, nous aurons beaucoup de récompenses dans ce bas monde et dans le delà, inshallah. Et parmi ces récompenses, celle des patients et des endurants, qui est une noble, la patience et l'endurance est une noble qualité parmi les qualités des gens de la droiture. Et comme je l'ai dit auparavant lors de la première assise, nos assises auront toujours une petite introduction, et mon introduction cette fois pour cette deuxième assise sera pour l'Iman et le Sabr. Car Sabr, c'est une grande qualité des croyants. Qala Azza wa Jal fi wasfihim, thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama. Donc l'une des grandes qualités chez les croyants, c'est la patience et l'endurance, comme il est dit dans le verset. Dans Sourate Al-Balad, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit ceci. Et puis, il est des nombres de ceux qui croient et qui s'enjoignent mutuellement la patience et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Donc, la foi, c'est la fondation principale sur laquelle est basée la religion. Et puis, il est des nombres de ceux qui croient. Donc la foi est la fondation principale sur laquelle est basée la religion, et celui dont les œuvres ne sont pas accomplies sur la foi, c'est comme s'il n'a rien fait. C'est comme il a construit un château sur du sable. Et pire encore, قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dans la traduction approximative du sens du verset, ceux qui empêchent que leurs dons et leur charité soient acceptés, c'est qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Wa qala azza wa jal, man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Et dans ce verset, sa traduction approximative nous dit ceci: celui qui fait une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, on est en croyant, à la condition d'être croyant, nous allons le faire vivre une bonne vie et nous allons les récompenser du mieux de ce qu'ils ont accompli. Nous allons les récompenser mieux que ce qu'ils ont accompli. Regarde, ils sont vivants, ils œuvrent, mais la réelle vie, comme il est dit dans ce verset, c'est la vie qui s'accomplit sur la base de la foi. Sur la base de la foi, est-ce que implique la foi? قال عز وجل وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Dans le verset, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, que ils s'enjoignent mutuellement la patience, l'endurance, ils s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Et ça, c'est deux nobles qualités des croyants. Ce sont deux nobles qualités des croyants. Il faut les acquérir. Il faut les avoir dans son comportement. Ce conseil est la patience et ce conseil est la miséricorde. La patience et l'endurance, c'est de maîtriser son nefs et de la freiner contre tout ce qui va lui prévaloir la colère d'Allah Azza wa Jal. Et c'est de la forcer à accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi de la soumettre au destin d'Allah et qu'il accepte le destin d'Allah sans lamentation. Accepte les malheurs et les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait subir sans lamentation. Comme dans notre situation actuelle, nous devons accepter cette épreuve et accomplir ce qu'Allah veut de nous et l'implorer pour nous la dissiper, et aussi prendre cette épreuve comme un butin pour faire le point sur notre passé et remédier à nos manquements à tous les niveaux. Et la patience, comme vous le savez, c'est 3 degrés. Patienter pour accomplir l'adoration, patienter pour s'abstenir des péchés et de la désobéissance et de s'éloigner des péchés, patienter pour le mauvais destin qu'Allah nous destine. Et donc les musulmans ont besoin de ce conseil, la patience et l'endurance, dans ces 3 formes. La patience pour accomplir les ordres, ce conseil et la patience pour accomplir les ordres, l'adoration, ce conseil pour s'abstenir et s'éloigner des péchés et de la désobéissance, et ce conseil à endurer et à patienter face aux épreuves qu'on subit dans sa vie. قال عز وجل فاصبر إن وعد الله حق. Et donc il est dit dans la traduction approximative du sens du verset cité ici, patiente et endure, la promesse d'Allah est véridique. La promesse d'Allah est véridique. Et donc on doit patienter, parce que si on patiente pas, on se lamente pas, on va changer quoi au destin d'Allah? On va juste se rendre malade, s'angoisser pour rien, et aussi encourir la colère d'Allah Azza wa Jal, parce que on se lamente contre ce qu'il nous a destiné. Et c'est montrer comme quoi on a refusé le destin d'Allah, le fait de se lamenter. Et donc, dans toute situation, le soumis à Allah a besoin de la patience et de l'endurance. La prière a besoin de patience. L'apprentissage a besoin de patience. La bienfaisance envers les parents a besoin de patience. Et celui qui ne s'arme pas de patience fait demi-tour, se lasse et baisse les bras. Il en est de même pour le fait de s'éloigner du haram et de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Tout ça a besoin de patience. Et celui qui ne s'arme pas avec la patience, très vite, son âme incitatrice au mal le fait plonger dedans et le fait galoper derrière les tentations et les plaisirs et toute forme d'interdit. Les tentations, il en est de même pour les catastrophes et les malheurs. Celui qui ne s'arme pas de patience se lamente et tombe et accomplit des actes des gens de la période pré-islamique et désespère, s'engloutit dans les angoisses, s'engloutit dans l'oussoise qui n'en finit pas. Wa rabbuna yaqul ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et la traduction approximative du sens de ce verset: et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, et de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons, vers qui nous allons retourner. Cela reçoivent les bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde Et ceux-là sont les bien guidés. Voilà ce qu'il nous incombe à faire. La patience et l'endurance. Hein? Méditez ce verset qui nous signale clairement que les épreuves sont une réalité et que l'être humain les subira et qu'il est de devoir du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter, hein, d'accepter et de se soumettre au destin d'Allah et d'endurer et de patienter. Et regarde, dans le verset, il y a un terme, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Souvent on dit ce terme. Ce terme a une grande signification. Hassan al-Basri, rahimahullah, a fait l'exhortation à quelqu'un et cette personne a vu qu'il était en danger et il a dit, nous sommes à Allah et nous revenons vers Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hassan al-Basri, rahimahullah. Allah lui a dit, est-ce que tu la comprends ou l'as-tu dit comme tout le monde l'a dit? Et cet homme a demandé de lui faire comprendre ce que ça veut dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il lui a dit, inna lillahi, ça veut dire, je suis insoumis à Allah. Je suis une créature d'Allah. Et je subis le destin d'Allah et je suis obligé de me soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de mettre en application ses ordres et par le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et wa inna ilayhi raji'un, nous allons retourner vers Allah, ça veut dire qu'un jour je vais me retrouver devant Allah et je vais devoir rendre des comptes de tout ce que j'ai fait. Et à la fin de ce conseil, Hassan al-Basri a dit à cet homme, prends comme butin ce qui te reste de sa vie, il ne sera pas et tu ne seras pas questionné sur ce qui s'est passé. Lui dit, lui donne l'espoir, il nous donne l'espoir à tous, de prendre le butin de ce que nous vivons et de remédier à nos lacunes. C'est-à-dire de se repentir, d'œuvrer au mieux, pour que couvrir les erreurs du passé. Hein? Et ça, les hommes de science, ils l'appellent le butin froid. Le fait de profiter et de prendre comme butin et d'œuvrer comme il se doit dans la vie présente et dans ce que te donne Allah subhanahu wa ta'ala comme vie. Hein? Cela, pour remédier à tes lacunes d'avant, cela, il l'appelle le butin froid. Et ça nous prouve la grande clémence d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième qualité dans ce verset, c'est le fait de se conseiller mutuellement la miséricorde. Wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama. Ils se conseillent mutuellement la patience, l'endurance, ils se conseillent mutuellement ou s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Et là, c'est aussi une autre qualité des croyants. Et c'est une des grandes implications de la foi. Qala azza wa jalla anil mu'minin ruhama'u baynahum. La traduction approximative du sens du verset, miséricordieux entre eux. C'est comme ça qu'Allah a décrit les croyants. Plus la foi de la personne est grande, plus la foi du soumis est grande, sa miséricorde sera grande envers les autres. Qala alayhi salatu wassalam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fil sama. Et dans le hadith rapporté par Tirmidhi rahimahullah, qui a dit que c'est un hadith hassan, authentique, il a dit, ceux qui sont cléments vis-à-vis des autres, Allah sera clément avec eux. Soyez clément avec ceux qui sont sur terre, celui qui est aux cieux vous fera clémence. sera miséricordieux avec vous. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre, celui qui est aux cieux, Allah Azza wa Jalla sera clément avec eux, avec vous. Wa fil hadith al-akhar, man la yarham la yurham. Et dans l'autre hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, c'est une partie d'un long hadith, celui qui ne fait pas miséricorde, il lui sera pas fait miséricorde. Et dans l'adab al-mufrad, avec une chaîne de transmission confirmée, et il a été authentifié par Cheikh, le muhaddith du Yémen, Cheikh Mokbir, rahmatullah alayh, dans son musnad, dans Sahih al-Musnad, le Cheikh Mokbir, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a posé la question, Rajulun sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal, Ya Rasul Allah, inni la'adbahu ash-shata fa arhamuha, qaal wa ash-shatu idha rahimtaha, rahimakallah. Et un homme, dans ce hadith, a posé la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand j'égorge la brebis, je suis clément, je suis doux avec elle, je suis miséricordieux avec elle. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu es miséricordieux avec la clémence, avec la brebis, ou la bête que tu égorges, Allah sera clément avec toi. Allah te couvrira de sa clémence, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se conseiller mutuellement la miséricorde, c'est une grande qualité. Et c'est une qualité qui est très importante. Surtout que les gens de nos jours sont exposés à des tentations, il y a des passions, il y a des problèmes qui n'en finissent pas, qui les détournent de la miséricorde, qui les détournent de cette qualité. Tu vois que certains se comportent avec leurs frères en islam d'une façon rude, où il n'y a pas l'ombre de la miséricorde. Et ceci instaure la haine, il enracine dans les cœurs. قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Et dans cette traduction approximative du sens du verset, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son messager alayhi salatu wassalam, où il dit, de par quelques miséricordes qu'Allah, de par quelques miséricordes d'Allah, que tu as été doux avec eux, si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Oui, frère en Allah, Azzawajal et sœur en Allah, Azzawajal, on doit observer la miséricorde dans notre rapport avec les autres. La miséricorde fait partie de la foi. Si la foi du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala est forte, sa miséricorde vis-à-vis des autres le sera aussi. Et qu'on médite la parole de notre prophète alayhi salatu wassalam, Ana nabiyur rahma. Je suis le prophète de la miséricorde. Et qu'on médite notre religion, c'est la religion de la miséricorde. Et notre Seigneur, le seul digne d'être adoré, est le clément très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et il a ordonné à ses serviteurs d'être miséricordieux entre eux. Il y a, frère Allah Azza wa Jal, certains se posent la question sur ce titre, louange à Allah, mon confinement est une miséricorde. Il n'y a rien d'étonnant, ni d'étrange dans ce titre, qui concerne cette série de cours. Méditons, méditons combien de bienfaits découlent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce confinement causé par cette épidémie ou là cette pandémie. Et cela d'une part nous prouve la majesté et la puissance absolue du clément subhanahu wa ta'ala. Et nous prouve aussi, il nous montre la grandeur et la suprématie de cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevée. Et ceci doit faire naître en nous la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir été miséricorde avec nous, de nous avoir acceptés comme soumis, d'avoir ouvert notre cœur à cette soumission et à cette religion qu'il aime et qu'il agrée et qu'il a parachevée, subhanahu wa ta'ala. Cette épidémie, ne certifie aussi la véracité de notre messager, alayhi salatu wassalam, et de son message. Regardez ce monde, avec le progrès avec lequel il est arrivé, il revient pour se protéger de ce petit soldat. À ce qu'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 14 siècles. L'hajr tibbi, l'isolement médical. On sépare les malades de ceux qui sont en bonne santé. Et on met les malades à la quarantaine. Et on ordonne à ceux qui ne sont pas malades de ne pas se mélanger et de ne pas s'exposer à la maladie. Et ceci nous prouve la véracité de ce messager, alayhi salatu wassalam. Et aussi, il nous a ouvert, cette épidémie nous a ouvert le chapitre du savoir concernant les épidémies dans les annales de la Sunna et de l'histoire musulmane. Regardez ce nombre de données qu'on a entre les mains maintenant concernant cette épidémie ou cette podémie, etc., qui sont dans les livres des sunnahs. Et combien de paroles depuis le prédicateur d'Allah Alim sont sorties que nous connaissons maintenant, que certains parmi nous n'ont jamais su avant d'être éprouvés par cette épidémie. Qu'on voit ce grand bienfait et c'est une épreuve qui doit confirmer et encore renforcer la certitude dans le cœur sur le messager d'Allah, sur son messager et sur la puissance d'Allah Azza wa Jal, et de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et d'utiliser les moyens légiférés à tous les niveaux pour chercher sa subsistance ou pour se protéger ou autre. Et cette épidémie nous rappelle aussi que au-dessus de chaque puissance, il y a la puissance absolue qui est la puissance d'Allah Azza wa Jal. Il nous rappelle que malgré le progrès où est arrivée l'humanité, il ne vaut rien sans la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, sans la soumission totale au Seigneur des cieux et de la terre. Et que tout ce que nous voyons comme progrès, Allah subhanahu wa ta'ala, il le bloque. On a un clin d'œil. Regardez, tout a été gelé. Plus de vol, plus rien, plus ceci, cela, etc. Plus rien. Avec un petit soldat qui se voit même pas à l'œil nu. Et ceci doit nous faire réfléchir et nous faire pencher sur le fait d'étudier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les mettre en application dans notre vie. Là, ce sont certains bienfaits de cette épidémie. Pourquoi il ne serait pas une miséricorde? C'est une miséricorde qui est là pour nous réveiller de notre somnolence. Et revenons à notre sujet, les mérites du jeûne de Shaban. An Usama ibn Zayd قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رمضان بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث حسن حسنه الألباني في سنن النسائي، وهو في صحيح الترغيب والترهيب وعند أبو داود والإمام أحمد وغيرهم. Dans ce hadith authentifié par Cheikh Nasser dit Al-Albani rahmatullah alayh dans Sunan Nasa'i, ce hadith est dit chez Abu Daoud et chez Imam Ahmad et d'autres, Oussama ibn Zayd a dit: Ô messager d'Allah, je t'ai pas vu jeûner durant les mois de l'année comme tu jeûnes durant le mois de Shaban. Le messager lui a dit: c'est à moi auquel les gens ne prêtent pas attention, à moi entre Rajab et Ramadan, et c'est à moi durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes, et j'aimerais que mes œuvres soient élevées en étant en état de jeûne. Qu'on profite de ce mois, hein, et qu'il soit un butin pour nous. Méditez ce mérite et entreprenez et faites de ce confinement un butin en jeûnant durant ce noble mois et en respectant les ordres de se confiner chez soi pour se protéger et protéger les autres, et n'écoutez pas les insensés qui appellent à sortir, et n'imitez pas certains qui veulent faire de ce confinement une période de vacances, à se balader comme ils veulent et à errer comme ils veulent. Combien se sont retrouvés à payer des amendes? Et ceux qui appellent à sortir, hein, etc., pour des invocations collectives et ainsi de suite, la fourmi est mieux qu'eux. Une fourmi est mieux qu'eux. Hein? قال عز وجل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. Regardez maintenant dans cette traduction approximative du sens du verset la responsabilité et la peur de cette fourmi pour son peuple. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: ou fourmi, entrez chez vous pour que vous ne soyez pas écrasés par Suleyman et son armée. Regarde ce grand souci de ce petit insecte pour son peuple et certains égarés de la communauté, alors que nos gouverneurs ont ordonné l'ordre de, pour se confiner chez soi, pour se protéger du virus par l'ordre d'Allah et protéger les autres, ceux-là ont fait appel les gens vers ce qui pourra causer leur mort par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là ont appelé les gens vers ce qui va les contaminer, augmenter le nombre des contaminés par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Où sont parties les raisons de cela? Et cela montre qu'ils ne recherchent pas le bien de la communauté. La louange est à Allah, qu'ils n'ont pas le pouvoir. Hein? Leurs gestes prouvent une certaine lâcheté, car ils veulent prouver au gouvernement qu'on peut te créer le désordre, on a un pouvoir sur les masses, on a un pouvoir sur les gens. Ceci nous rappelle tout simplement l'exposition de muscles que font les athlètes de l'haltérophilie. Hein? Et ce genre de tendance, des fois, agissent comme ça avec les pays, avec les gouverneurs dans les pays de l'islam comme chez nous au Maroc, les Adl wa l'Ihsan, ceux qui sont sur la même voie que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le jeune frère en Allah azza wa jal du mois de Shaban est une sunna. Et chaque obligation de notre religion, il a des cérogatoires qui s'accomplissent avant cette obligation et après celle-ci. Le pèlerinage, il a ses surrogatoires. La prière, il a ses surrogatoires. La zakat, il en est de même pour le jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan, qui est obligatoire, durant le mois de Ramadan, il est préférable qu'il soit précédé par le jeûne surrogatoire durant le mois de Sha'ban. Et le jeûne est aussi jeûné les 6 jours de Sawal après le mois de Ramadan. Ce sont les surrogatoires d'avant et d'après cette obligation. Et le jeûne durant Sha'ban, selon la parole prépondérante des hommes de science, et les légiférés diront la première moitié du mois et aussi durant la deuxième moitié du mois. Les hommes de science ont cité beaucoup de raisons pour cela. Parmi les raisons, la parole de Aïcha radiallahu anha chez l'imam al-Bukhari. Aïcha a dit, ridwanullah alayha, le messager jeûnait une grande partie du Sha'ban. Il a dit, dans la même parole, certes il le jeûnait en entier. La deuxième raison, les hommes de Sion disent, c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers Allah et les gens sont inattentifs à ce mois, et ceci n'est pas la spécificité de la première moitié du mois. La deuxième moitié du mois est concernée aussi, par le fait que les œuvres s'élèvent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le mois, les gens sont inattentifs à tout le mois. Ils n'ont pas une partie et l'autre partie, non. La troisième raison, ce qui est interdit, c'est de précéder le mois de Ramadan d'un jour ou de 2 jours. Et cela veut dire qu'on a le droit de jeûner la deuxième partie du mois de Sha'ban, et même le dernier jour, si ceci coïncide avec les jours que le musulman jeûne constamment, comme le jeûne du lundi et du jeudi, il n'y a pas de mal à cela. Certains ont l'habitude de jeûner un jour sur deux, sauf les jours interdits comme la fête du sacrifice, la fête qui clôture le mois de Ramadan et Ayyam Tchriq. Et certains jeûnent constamment le lundi et le jeudi. Est-ce que ceux-là vont s'abstenir de jeûner la deuxième moitié du Sha'ban? Non, disent les hommes de science. Ils ont cette habitude, ils peuvent la jeûner, parce que c'est pas qu'ils ont, leur but c'est de jeûner les derniers jours du mois de Ramadan. Là, ceci fait partie de leurs coutumes, de leurs habitudes constamment. Ils sont comme ça, ils agissent ainsi. Et donc, quant à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand arrive la moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez pas jusqu'à Ramadan. C'est une parole rapportée par l'imam Abu Daoud, par Tirmidhi, par Ibn Majah, authentifiée par Sheikh Nasr, Dil Albani, rahmatullahi alayh, dans Sunan Abi Daoud. Ce hadith a été authentifié aussi par Tirmidhi, par Ibn Hibban, par l'Albani, par Ibn Abdelbar, et l'Hakim et d'autres. Et d'autres ont dit que c'est un hadith qui est monkar. C'est un hadith qui est réprouvé. Et parmi les hommes de science, et les grands hommes de science qui ont dit que c'est un hadith réprouvé, il y a Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, l'imam Ahmed, l'imam Abu Zur al-Razi, l'Athram. L'imam Ahmed a dit que l'Ala, le rapporteur de ce hadith, n'a pas narré un hadith plus réprouvé que ce hadith. Et l'imam Ahmed a réfuté ce hadith par le hadith où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne précédez pas ou ne devancez pas Ramadan par un jour ou 2 jours. » Les savants disent, on retient du hadith qu'il est permis de le devancer de plusieurs jours, et il est seulement interdit de précéder le mois de Ramadan d'un jour ou deux. Donc cela veut dire qu'il est autorisé de jeûner la deuxième quinzaine du mois de Ramadan, de Sha'ban. L'Atram a dit, les hadiths du jeûne du prophète alayhi salam de Sha'ban sont en divergence avec ce hadith. Et que le prophète alayhi salam, et aussi que le prophète alayhi salam le jeûnait presque en entier, jeûnait le mois de Sha'ban presque en entier ou en entier. Et aussi le fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner deux jours avant Ramadan ou un jour avant Ramadan. Il a dit donc ce hadith, il est marginal. Il est en divergence avec les hadiths authentiques. Donc le hadith qui dit, hein, c'est quoi le hadith qui est marginal? C'est le hadith qui dit quand arrive la moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez pas jusqu'au Ramadan. Hein? Ibn Rajab dans la Ta'if al-Ma'arif a dit Tahawi a dit ce hadith est abrogé. Il a cité le consensus sur le délaissement de la mise en application de ce hadith. Et beaucoup d'hommes de science ne le mettent pas en application. D'autres le mettent en application comme Shafi'i rahimahullah et ses disciples. En interdisant, en le mettant en application, ils interdisent, hein, ils interdisent le jeûne surrogatoire, de débuter le jeûne surrogatoire à la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner le surrogatoire de ce mois de Sha'ban. Regardez, ceux qui l'interdisent, comme l'imam Shafi'i et d'autres, parmi ses disciples, et même comme l'Albani, rahmatullah alayh, donc, interdisent le jeûne surrogatoire à la moitié du mois de Sha'ban pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, hein, le surrogatoire de ce mois de Sha'ban. Et certains hommes de science qui sont venus avec Shafi'i et d'autres, hein, ont suivi, hein, ont pris leur avis. Et puis les hommes de science ont divergé sur la cause de l'interdiction. Pourquoi c'est interdit? L'interdiction qui est stipulée dans ce hadith. Certains ont dit par peur de ne pas rajouter au mois de Ramadan ceux qui n'en font pas partie. Et les hommes de science disent, et cela n'est pas possible. Et cela n'est pas possible que si on devance Ramadan d'un jour ou deux. Hein? D'autres ont dit, l'interdiction est pour se renforcer pour le mois de Ramadan, pour que ce jeûne ne faiblit pas la personne pour le jeûne du mois de Ramadan. Il remonte cette parole à Waqi' rahimahullah. Et les hommes de science disent, et ceci est refuté par le fait que le prophète jeûnait tout le mois, ou la grande partie du mois, et qu'il le liait avec Ramadan. Et ceci est cité, fin de citation, jusqu'à citer Ibn Rajab dans la Ta'if al-Ma'arif. L'imam al-Albani, rahmatullah alayh, qui fit partie de ceux qui authentifient le hadith, qui dit qu'on rentre la deuxième partie du Sha'ban, ne jeûnez plus jusqu'à Ramadan, celui qui n'a pas l'habitude de jeûner durant le mois de Sha'ban, il ne lui est pas permis de jeûner la deuxième moitié spécifiquement. Et concernant le hadith que le prophète jeûnait tout le mois de Sha'ban, ou presque, ça peut amener une confusion avec le hadith Quand arrive la deuxième moitié du Sha'ban, il n'y a plus de jeûne jusqu'à Ramadan. Il dit cela concerne celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, le jeûne surrogatoire du mois du Sha'ban. Quant à celui qui a l'habitude de jeûner, il n'y a pas de mal. Hada, c'est la parole de l'imam Al-Bani, rahmatullah alayh. Alors qu'il fait partie de ceux qui ont authentifié ce hadith dans lequel il est stipulé qu'il ne faut pas jeûner là à partir de quand rentre la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Voyons maintenant la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Il dit, rahmatullah alayh, les gens des livres, des sunnans, ont rapporté dans leur recueil ce hadith. Quel hadith? Qui dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la taqdimu, la taqaddamu ramadan bi sawm yawmin aw yawmayn. Et ne devancez pas le jeûne du mois de ramadan par un jour ou deux. Donc il dit, rahmatullah alayh, les gens des livres de Sunan ont relaté ce hadith dans leur recueil. Le hadith qui dit quand arrive la moitié de Sha'ban, ne jeûnez pas jusqu'à Ramadan. Il a dit, rahimahullah, mais l'imam Ahmed a dit que ce hadith est marginal et qu'on ne doit pas le mettre en application. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, car le prophète alayhissalam jeûnait une grande partie du Sha'ban. Il dit aussi que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne devancez pas Ramadan par un jour ou deux jours. Et cela prouve qu'on peut le devancer par plusieurs jours. C'est-à-dire juste éviter de jeûner un jour avant Ramadan ou deux jours avant Ramadan. Et le reste, on peut. Il dit, rahimahullah, il est authentique. C'est qu'il est permis de jeûner pendant la deuxième moitié du Sha'ban. L'interdiction ne concerne que le fait de devancer Ramadan par un jour ou deux jours. Donc on arrive à la parole prépondérante chez les hommes de science, c'est qu'il est permis aussi de jeûner durant la deuxième partie du mois de Ramadan. Et que on ne doit pas, ce qui est interdit, c'est de ne pas jeûner un jour avant Ramadan ou deux jours avant Ramadan. Et surtout, certains qui rentrent dans le soir, s'ils disent, hein, je jeûne un jour avant ou deux jours par précaution. La hada encore moins. La hada s'y interdit encore plus. Hein? Et ceux qui ont, comme on l'a dit auparavant, ceux qui ont l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, il n'y a aucun mal. Même si c'est à la fin du mois de Ramadan, et ceux qui ont l'habitude de jeûner un jour et un jour sur deux, et ainsi de suite, tout cela, ils font pas volontairement. Hein, leur but, ce n'est pas de jeûner la deuxième quinzaine du mois de Ramadan. Mais c'est leur jeûne constamment. Ils jeûnent comme ça, ils agissent ainsi. Maintenant, méritons les leçons et mérites du jeûne du mois de Sha'ban. Hein? Dans le hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, Oussama a dit au messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner durant le mois de l'année comme tu jeûnes durant le mois de Sha'ban. Le messager a dit, c'est un mois auquel les gens ne prêtent pas attention. Il est entre eux, Rajab et Ramadan. Et c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur du monde. Et j'aimerais que mes œuvres soient élevées en étant en état de jeûne. Méditons ce que citent les hommes de science concernant ce hadith. D'abord, remarquez ici la minutie des nobles compagnons dans l'observation des actes du prophète alayhi salam, d'où l'obligation de les suivre à la perfection. Et qu'on médite leur désir ardent dans leurs questions pour l'apprentissage de la religion, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, les jeunes et les moins jeunes, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Ils étaient ainsi, hein, vu durant, hein, à la fin du chapitre de la purification, Mu'ad, comment il posait les questions sur le rattrapage du jeûne, pour la femme qui a ses menstrues, et pourquoi elle ne rattrape pas les prières et ainsi de suite. Et comment durant tout ce chapitre de la purification, on voyait comme ne le faisait comprendre Cheikh Al-Uthaymeen, le désir ardent des nobles compagnons à demander la science et à chercher à comprendre le but de la législation, le but des actes et comment les accomplir. C'est pour ça qu'il est de notre devoir, pour être bien à l'aise dans la religion d'Allah, de suivre leur chemin. Parmi les leçons à retenir aussi, c'est que le mois de Chaban est un mois auquel les gens sont inattentifs. Donc il faut prendre cette parole en considération. Il est entre Rajab et Ramadan. Les gens sont occupés par le mois sacré, Rajab. Et ils sont occupés après par le mois de Ramadan. Et certains croient que jeûner durant le mois de Rajab est mieux que durant le mois de Chaban, car Rajab est un mois sacré. Et ceci est faux. Et dans la parole du messager alayhi salatu wassalam, les gens n'y prêtent pas attention ou sont inattentifs à ce mois. Cela prouve que s'occuper du temps auquel les gens ne donnent pas l'importance et occuper ce temps dans l'obéissance est un noble surrogatoire. Et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Aussi, il y a dans ce hadith un grand bienfait dans le fait d'occuper le temps que les gens négligent, de l'occuper par l'obéissance. Et parmi cela, le fait, parmi ce grand bienfait, c'est le fait de garder secret les actes surrogatoires, surtout le jeûne, qui est un secret entre le Seigneur et son soumis. Certains pieux prédécesseurs ont jeûné plus de 40 ans sans que personne ne le sache. Il faut savoir que leur jeûne était conforme à la sunna. Les pieux prédécesseurs, wallah, ne faisaient pas quelque chose qui est en contradiction avec la sunna. Donc, certains pieux prédécesseurs ont jeûné plus de 40 ans sans que personne ne le sache. Ils quittaient leur demeure pour le marché en emportant deux galettes avec eux, qu'ils donnent en charité sur la route, et ils jeûnaient. La famille croit qu'ils ont mangé, et les gens du marché croient qu'ils ont mangé chez eux. Et il y a aussi que le jeûne a besoin de grands efforts. Et encore plus d'efforts quand il s'agit du jeûne surrogatoire et pendant les temps auxquels les gens ne donnent pas d'importance. Donc là, il y a encore besoin de plus d'efforts. On a besoin de grands efforts pour accomplir le mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il en est pendant la période et le temps où les gens ne donnent pas d'importance à ce moment-là? Il y a dans cela que celui qui accomplit les adorations au moment où les gens sont inattentifs est comblé d'un grand bienfait. Et que c'est quelqu'un qui se conforme à la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, de remplir ce temps auquel les gens, qui est le temps du mois de Chaban, que les gens ne donnent pas d'importance, il le remplit par cet acte du jeûne, comme l'a fait son messager alayhi salatu wassalam. Et dans la parole du messager alayhi salatu wassalam, c'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers le Seigneur des mondes, et j'aime que mes actes soient levés alors que je suis en état de jeûne. Les œuvres sont élevées vers Allah, et parmi les œuvres méritoires, il y a le jeûne, car la personne délaisse des choses qui font partie de sa nature originelle, la bouffe, la boisson, les désirs charnels, les efférats avec son épouse, etc. Et cela prouve sa soumission à Allah et qu'il a besoin d'Allah et que et cela aussi entraîne la personne à la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le jeûne est un acte de délaissement, il n'y a que le soumis et le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui le savent. Donc cela entraîne la personne et l'habitue à la sincérité dans les œuvres. Et regardez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a aimé que ses actes soient élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est en état de jeûne. Car comme vous le savez tous, toutes les œuvres de la descendance d'Adam, comme il est dit dans le hadith Qudsi, sont pour le soumis. À l'exception des jeûnes, c'est Allah qui en récompense. Il n'y a personne qui sait les récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala va octroyer aux jeûneurs. Ils sont énormes. Donc on profite de ce confinement et qu'on profite de ce noble mois dont le premier jour vient de passer aujourd'hui et nous avons encore 29 jours ou 28 jours duquel il faut profiter dans cette noble adoration qui est le jeûne et aussi à remplir le temps de ce jeûne par la lecture du Coran, par l'apprentissage de la religion, par le fait de s'instruire sur les règles du jeûne du mois de Ramadan et ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous la science bénéfique et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les égarés de notre communauté et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse les malades de notre communauté et qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde les morts de cette communauté. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً.